Ragamon a fall. Ragamon, Ragamon. So careful. Message rapide sur du Pure Roots Music, spécialement dédicacé à tous les amnésiques qui oublient qu'on forme une seule et même race, qui mettent les gens dans des cases et des classes. Tous citoyens du monde, je voudrais que tout le monde s'enlace. On aura l'air bien con, mais ça changera nos habitudes. Mieux vaut se rassembler que se morfondre dans la solitude. Suivez les enseignements de Jah, unité, amour et respect. Profite de la vie tant t'es encore là, puisqu'on va tous y rester. Aimez-vous les uns les autres, même si les autres c'est tous des enculés. Tendez la main à votre voisin, même s'il est arabe ou pakistanais. Un ton prochain, allez sois cool, même quand tu croises un sage qui écoute une joule. Cette chanson, elle se vendra. Mon hymne à la tolérance dérange les oreilles sensibles. Une partie de mon audience trouvera ça inadmissible. Détendez-vous les gars, pétez un coup, je ne suis sérieux que par à coup. Je mets les choses au clair au cas où on veuille me mettre la corde au cou. Dédicace à tous les rouquins, les trans, les chauves et les gays. Si vous êtes tout triste, eh ben écoutez mon reggae. Je sais que vous êtes très différents, mais nous sommes tous frères. Même si t'es gâteau ou musulman, j'en ai rien à faire. Aimez-vous les uns les autres, même si les autres c'est tous des enculés. Tendez la main à votre voisin, même si c'est un youpin ou un portugais. Et un ton prochain, je sais que c'est dur, surtout quand tu croises un jeune qui écoute gradure. Tends bien la main, Dieu te le rendra, aussi vrai que cette chanson, elle se vendra.